Ils avaient l'air anciens, des grands soldats romains, et les petits-enfants accouraient pour les suivre. Trois cavaliers, soufflant dans des buccins de cuivre, marchaient en tête, et comme au front de l'escadron, chacun d'eux embouchait à son tour le clairon, sans couper la fanfare, il reprenait haleine. Ces gens de guerre étaient superbes dans la plaine. Ils marchaient, de leurs pas antiques et souverains. Leurs boucliers portaient des méduses et des reins, et l'on voyait sur eux Gorgone et tous ses masques. Ils défilaient, dressant les cimiers de leurs casques, dignes d'être éclairés par des soleils levants, sous des crins de lions qui se tordaient au vent. « Que ces hommes sont beaux !» disaient les jeunes filles. Tout souriait. Les fleurs embaumaient les charmilles. Le peuple était joyeux. Le ciel était doré. Et, songeant que c'étaient des vaincus, j'ai pleuré.